Œuvre et mérite du comics indépendant, elle est l'une des plus sensibles et possède une lecture autobiographique, ce qui est assez rare dans le milieu pour être souligné. Se situant hors de toute influence du comics et hors de son histoire générale, elle est un album des plus singuliers. Bonjour, je suis Watchful, et aujourd'hui, je vais vous parler du comic The Crow de James Hobart. James n'a pas payé son assurance et ne peut conduire son véhicule. Il appelle sa copine pour qu'elle vienne le chercher. En allant jusqu'à sa voiture, celle-ci se fait percuter par un chauffeur ivre. La culpabilité et la colère de James vont changer sa vie. Passionné par le dessin depuis qu'il est enfant, il trouve à travers l'expérience du deuil un besoin d'expression. À côté des petits boulots qu'il entame en 1981, le projet d'un récit à portée autobiographique apparaît. Il dessine les premières planches, mais ne reviendra dessus que bien plus tard. C'est en 1989, chez un petit éditeur nommé Caliber, qu'il trouve le moyen de publier son projet. Caliber était composé de fans de comics, n'ayant pas réellement connaissance des procédés de création. Ils avaient pour bureau une unique pièce louée au-dessus d'un comic shop et avaient l'intention de sortir un titre régulier compilant plusieurs créations originales. James y voit une occasion sans autre prétention que de mettre sur la table un mal-être qui n'a duré que trop longtemps. C'est ainsi que naît The Crow, un projet personnel accouché dans un bureau unique d'un éditeur méconnu jusqu'alors. The Crow, donc, c'est l'histoire d'Eric Draven, un homme fou amoureux de sa fiancée, Shelly. Eric se réveille avec un désir de vengeance aussi grand que son amour perdu. Devenu immortel, et éventuellement fou, et torturé par sa vie passée, il se répète la liste des hommes qu'il est venu tuer. Véritable ange de la mort, il punit à travers un comportement sensible bien plus humain que les êtres vivants dépeints. La force du récit ne réside pas dans son scénario, mais dans sa construction contrastée. Vous verrez que la contraste revient dans presque tous les éléments relevés. The Crow ne s'analyse pas comme un comics sorti d'une maison d'édition comme DC ou Marvel, mais comme une œuvre littéraire. The Crow est une machine à interprétation, au pluriel, un puissant fond de références fines, d'incrustations de poèmes. James Hobart est un artiste d'une culture folle, un passionné de littérature. Ses personnages principaux sont Eric Draven, Eric pour son rapport à la créature du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, et Shelley dérivée de Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein. L'histoire se divise en chapitres entremêlés dans un ordre quasi indéfini, comme un Kill Bill avant l'heure. On ne connaît les motivations d'Eric et la source de sa douleur que dans le dernier tiers de l'album, nous laissant avec un personnage flou, instable, pour une raison présupposée. L'histoire passe d'un assassinat à un souvenir de la vie passée d'Eric Draven, parfois introduit par un poème de Rimbaud de Russ Feilman ou une citation de la ballade des Dames du temps jadis de François Villon. The Crow nous interroge inconsciemment sur notre rapport à la culture. Associé à une culture cinématographique pointue, puisqu'une scène entière rend hommage aux 7 samouraïs d'Akira Kurosawa par exemple, elle apparaît comme étrange dans ce média underground. Cette culture nourrit un florilège de sens interprétatif au sein d'une histoire qui pourrait se résumer finalement en quelques lignes. Qualité littéraire introduite dans une histoire de vengeance, surplombée par une esthétique gothique inspirée par le milieu rock-punk des années 70-80, The Crow mêle ces deux cultures qu'on pourrait imaginer opposées. Là où la culture populaire nourrit la noirceur et la violence du monde réel, la culture savante, elle, nourrit les espoirs, les rêves et le chagrin d'Eric. Comme dit précédemment, le contraste est l'une des qualités majeures de l'œuvre illustrée en noir et blanc. Les souvenirs en sont marqués par des effets de lumière rompant avec l'obscurité, des séries de meurtres et des scènes de douleur. Rappelons que c'est avant tout un récit sensible. Si je parle avant tout de violence, elle ne fait que témoigner de l'amour ressenti par Eric pour sa fiancée. The Crow a une allure violente et effrayante, mais cache un message d'amour d'une puissance phénoménale. James Hobart manipule l'indicible amoureux de la même manière que les grandes plumes citées dans son œuvre. En plus de justifier l'application de cette motivation vengeresse, la portée autobiographique du récit appuie l'unique part de réalisme du récit qui est la relation entre Eric et Shelley. Les souvenirs présentés témoignent d'une intimité, d'une complicité telle qu'elles ne peuvent être qu'inspirées d'un vécu. Jamais une œuvre ne présenterait une telle part d'humanité dans l'idée de représenter un couple sans en connaître cette facette de l'amour. Chaque scène de souvenir renoue avec ce sentiment, comme si la relation était intacte et surtout réelle, tout en la représentant d'une manière onirique comme un paradis perdu. The Crow est une œuvre à l'image de son personnage, c'est-à-dire immortelle. Elle ne cesse de se renouveler. Commencée en 1981, elle a bénéficié d'ajouts en 2011, nous donnant l'édition définitive connue aujourd'hui. Une œuvre qui s'est forgée en 30 ans, laissant en elle des traces visibles. Les premières pages sont rudimentaires. Ce sont les premières planches réalisées par James Hobart. L'œuvre s'ouvre avec ce qu'on pourrait considérer comme ses travaux préparatoires. Après quoi, le talent de James Oba nous arrive de plein fouet, témoignage de son évolution et de la multitude de techniques qu'il maîtrise désormais. Son trait, d'une finesse effrayante, réservé à la scène finale, permet une graduation de la violence pourtant omniprésente. The Crow dépasse la dimension intime du couple pour toucher l'évolution de l'artiste, comme une œuvre retravaillée sans cesse, toujours perfectible, aux yeux de son créateur. The Crow est un souvenir qui se réactualise, une plaie à jamais ouverte, dont en sortent diverses leçons de vie. The Crow n'est autre qu'une bouteille jetée de colère à la mer, mais après sa publication, il se révèle comme un succès dans le milieu indépendant du comics, faisant de son éditeur Caliber l'un des éditeurs indépendants les plus influents de cette décennie. Au milieu des années 90, un film est en préparation. James O'Barr souhaite participer à la production. Il se rapproche alors du réalisateur, Alex Proyas, et de l'acteur principal, Brandon Lee, fils du célèbre Bruce Lee. Son influence marquera grandement le film. Le scénario est revu à plusieurs reprises jusqu'au milieu du tournage. Plusieurs personnages sont créés pour le film, dont un cavalier fantôme qui sera complètement effacé au montage final. On conserve du film une lecture modifiée par James O'Barr lui-même, présentant un contenu inédit de l'œuvre d'origine, y ajoutant un rapport à l'enfance, au rôle de père et à la justice. Le support cinématographique permet également de jouer sur l'influence rock avec une bande originale sublime. Mais c'est surtout Brandon Lee qu'on retiendra dans un solo de guitare fou au cœur du film, donnant une définition parfaite d'un personnage à la peine profonde masqué par une colère sanguine. Le film est une adaptation fidèle, quoique plus simpliste de l'œuvre, mais elle impactera grandement James O'Barr. Lors du tournage, l'acteur Brandon Lee meurt tué par balle faute d'un accessoire logeant une véritable balle. James vit un second traumatisme et se sent de nouveau responsable de la mort de quelqu'un. Il déduit alors cette nouvelle édition à son ami Brandon Lee. The Crow a connu un destin tragique également. Après le succès du premier film, un second a vu le jour avec Vincent Pérez dans le rôle principal. C'est avec le troisième opus que The Crow passe du film moyen au téléfilm à petit budget, avant de devenir une série télé désespérante. Depuis, plusieurs tentatives ont été faites pour faire revenir The Crow au cinéma. Tout d'abord, un cinquième film téléfilm, de prévu, puis un reboot intitulé The Crow 2037, écrit et réalisé par Rob Zombie. Le projet sera annulé au dernier moment. Depuis, plusieurs bruits courent, le dernier étant un reboot avec Jason Momoa dans le rôle principal. La nouvelle est depuis démentie et le projet continue d'errer. Vous l'aurez compris, The Crow est devenu une licence, et l'affaire se poursuit à travers les maisons d'édition de comics. De l'œuvre personnelle, James O'Barr en a fait un concept qu'il a arrangé à toutes les sauces avant de le passer à d'autres scénaristes, dont l'un des co-scénaristes du premier film. Aujourd'hui encore, The Crow passe régulièrement d'un éditeur indépendant à un autre et se trouve actuellement chez IDW, qui a initié le crossover entre trois victimes de la malédiction. Mais au fond, peu importe son utilisation actuelle, The Crow n'est marquant que de par son récit premier, l'œuvre fondatrice et personnelle que je viens de vous présenter. Le retour de James O'Barr sur celle-ci, 20 ans après sa publication, ne fait que montrer son attachement au point de départ de sa carrière d'artiste. The Crow a été son exutoire autant que sa formation artistique finale. C'est une leçon de vie sur le deuil, un message d'amour universel rythmé par des références culturelles vous initiant aux classiques de la littérature et du cinéma. Il y a un avant et un après The Crow. Se plonger dans The Crow, c'est plonger au cœur du désespoir et de la folie amoureuse pour nous ramener à l'essentiel et nous inviter à réfléchir notre propre situation.